de trafiquer avec ta réalité, rêver en préfabriqué des teintes à vérité. Le sage me chambre, ça me vaut rien. Faut que je potasse le maître, besogne son altimètre. Côté sexuel, elle est d'accord. Côté cervelle, virée, dehors. Super conne, je suis une super conne. De la réalité aux réalités, renverse les miroirs. Super conne, renverse les blafards. Des unités à l'unité. Super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne. Crois-tu que t'as la carrure pour te les coller au mur? T'en fais pas ma chérie, on boxe pas dans la même catégorie. J'suis une super conne. Super bonne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne. Crois pas les charlatans avec leurs larmes d'un instant à te faire croire au grand diloquant. Simagré, raideur, puritanisme, gland. Gland. Super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super bonne, super conne, super conne, super conne. Je suis une super conne, de la réalité aux réalités, renverse les miroirs. Super conne, renverse les blafards, des unités à l'unité. Arrête de trafiquer avec ta vérité, rêver en préfabriqué des teintes à réalité. Super conne. Super bonne, super conne, super bonne.